peine levé. Je veux me recoucher. Je veux dégommer la moindre de mes pensées. Insignifiante, chacune fait mal à pleurer. Dans le lit.